messieurs et madame, vous avez tous reçu de vos affectations respectives une convocation pour une nouvelle affectation. Vous avez rendez-vous à Tampa, donc aux États-Unis, et dans un hôtel qui est le Tampa Greenfield Holiday Inn. Donc vous vous rendez tous là-bas, et quand vous arrivez donc devant devant ce grand resort, ce grand hôtel, vous remarquez que en fait, il y a, sur la devanture, il y a écrit séminaire immobilier, le Burstarance. Donc en fait, c'est il a été réservé pour un grand séminaire. Et que voilà, quand, du coup, vous rentrez à l'intérieur, vous arrivez devant l'accueil, et qu'est-ce que vous faites? Vous avez, l'accueil est là. Vous avez une personne qui est en fait à l'accueil, qui vous voit arriver. Oui, bonjour, que puis-je pour vous? On est tous ensemble? Bonjour. Oui, enfin oui, vous arrivez tous devant l'accueil. On se connaît? Non, vous connaissez pas. Non, ok. Bonjour. Oui, que puis-je pour vous, monsieur? Je crois que j'ai réservé une chambre ici. Okay. Non, c'est vous venez pour le séminaire immobilier, vous Non. Ah. Au nom de Lamplon, Denis Lamplon. Agrandi, bah écoutez, je regarde. Donc tu vois qu'elle regarde dans son ordinateur. Bah écoutez, non, je n'ai rien du tout. Putain d'ordinateur. Bon, donnez-moi une chambre. Écoutez, mais vous venez pour quoi exactement? Parce que là, en fait, l'hôtel est réservé uniquement pour les gens qui font partie du séminaire. Mais pour vous, c'est, enfin, vous venez pour quoi en fait? Travail. D'accord. Vous avez un papier, quelque chose, une. je lui montre ma carte d'agent du FBI. D'accord. Alors, dis-toi que t'as quand même vous avez tous votre feuille de convocation avec vous. Hein. Ah, mais putain, il fallait dire. Bah, si, j'ai dit que vous avez reçu une feuille pour vous rendre. Voilà. Bon, bah, dans ce cas-là, je monte la feuille. Ok, donc, regarde la feuille. Ah! J'ai oublié la carte du FBI. D'accord, ah oui, oui, effectivement. bah, écoutez, vous allez. Le couloir qui est en face de vous, là, vous continuez la troisième porte à gauche et bah, vous pouvez rentrer. Ce sera la troisième porte à gauche. Bon, merci. Voilà. Bonne journée. Bon, du coup, je vais appeler ma secrétaire Tietina parce que la réservation de TripAdvisor n'a pas marché. Voilà, donc tu commences à partir. Les autres, j'imagine moi, que je vous faites un peu la même chose. J'imagine. On monte nos passeports, tout ça. Ok, donc vous vous dirigez tous vers ce couloir, troisième porte. Quand vous arrivez devant la porte, vous voyez une espèce de petite feuille collée dessus. Et sur la feuille, c'est spécial, mais vous avez un triangle vert dessiné. Voilà, ça veut dire que ceci. Qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez? Bah bien sûr. Okay. Oui. Bah d'accord. Donc vous rentrez, vous arrivez dans une salle. A priori c'est une pièce qui est faite pour les conférences. Elle est moyennement grande. Il y a des tables. Enfin pour les gens qui viendraient écouter, et au fond, vous voyez une grande table avec une table de conférence, avec une chaise pour le conférencier et quatre chaises qui sont juste en face de cette table. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez jusqu'à la table? vous restez là, vous bougez plus. Je vais m'asseoir, je me tends. Donc quand tu t'approches de la table, tu vois que en face de chaque chaise, vous avez votre nom. Je prends ma chaise avec mon nom et je regarde les autres. Pareil, toujours de manière un peu suspicieuse, hein, c'est un peu mystérieux pour le moment. Donc vous êtes tous assis. Pour l'instant, vous voyez juste en face de vous une chaise vide. Il y a un nom dessus ? Non. Non, il n'y a pas de nom. D'accord. Il y a juste une chaise vide et un silence de mort. Parce que pour l'instant, a priori, personne ne parle à personne. Du coup. Il y a moi qui me racle la gorge un peu là. tu vois que quand tu fais ça. Je commence à dire. L'écho de la pièce en fait qui amplifie le son de. Ouais, génial. Ouais. Oui, je t'écoute, Morgane. Je commence à dire. Vous êtes là pour la même chose ou... Bonjour. L'empereur Dennis. On va te faire votre connaissance. Mark Arms. Enchanté. FBI. Et vous? Marines. Marines. Police. FBI? Qui est FBI? DIA? Marines. Non, il demande, Kimo, si tu es police département FBI ou... Police. C'est du LAPD. Oh, Ok. Lynn Day. DOD. Département de... De la Défense. Et ils savent ce que c'est le DOD, hein. Ah, je sais pas, on sait jamais. Oh, il y a un écho. Très bien. Du coup, quelques instants se passent, vous avez à peu près 10-15 minutes qui passent, et vous voyez en fait, au bout d'un moment, la porte où vous êtes rentré qui s'ouvre, et un homme, on va dire d'une cinquantaine d'années, qui passe la porte. C'est un homme assez élégant, les cheveux grisonnants, assez fin de visage, très bien rasé, un beau costume avec cravate et tout. Et il s'approche de vous, et vous voyez que tout en même temps qu'il avance, il fait « Ah, ça me fait plaisir de voir que vous êtes tous venus. » Des fois, il y en a qui osent pas parce qu'ils sont pas très rassurés de ce genre d'invitation. Mais de voir Bonjour. Que vous êtes tous venus... Moi, j'ai pas été choqué, à part un petit triangle vert au bas de la porte. Oh, c'est rien du tout. C'est, au moins, ça différencie la porte des autres, parce que vous avez vu qu'elles sont toutes pareilles, donc au moins, vous avez bien trouvé. C'était plus facile. Bonjour, madame et messieurs. Vous voyez qu'il fait le tour de la table, qui vient s'asseoir en face de vous. S'assoit. Écoutez, vous êtes... je me présente, je suis Mr. Puzzle. Vous faites des puzzles ? Enchanté, monsieur Puzzle. vous êtes pas le premier à me la faire, celle-là. Vous êtes ici parce que nous avons estimé que vos compétences pourraient nous être utiles. Vous allez faire partie de ce qu'on appelle le programme. Tout simplement, ce sont des, si je puis simplifier, ce seront des activités que les services conventionnels ne peuvent pas entreprendre, ne peuvent pas résoudre. Il y a une prime de risque ? Vos salaires et vos primes seront les mêmes que... Officiellement, vous serez toujours accrédité à vos services respectifs, mais vous travaillerez pour le programme. Et c'est quoi encore cette embrouille ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Mais du coup, s'il n'y a pas de prime de risque, il y a une augmentation ? Écoutez, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en fonction de vos états de service, comment vous arriverez à résoudre nos affaires. Toujours est-il que pour l'instant, vous faites pas officiellement partie du programme. Là, ce sera la mission qu'on va vous donner aujourd'hui, sera une mission de test. Vous allez être testé pour savoir si vous serez apte à faire partie du programme, tout simplement. Jusqu'ici, est-ce que ça vous va? J'ai l'habitude des tests, donc ok. Oui, mais est-ce que, je sais pas, il y a une exonération d'impôt, peut-être? Dites-vous que vous allez travailler pour dans l'intérêt de votre nation, de votre gouvernement, et que vous pourrez œuvrer à la sécurité de nos concitoyens. Car tel est là le but du programme. La sécurité des citoyens américains. Ah non, je le fais déjà, mais si je peux le faire encore plus. Oui, mais à un tout autre niveau, bien sûr. Ouais. À quel niveau? À un niveau, disons, comme je dis, les agences traditionnelles, que ce soit même la CIA ou le FBI, n'ont pas les compétences, les capacités de faire ce que vous allez faire. Oh merde, on va nous envoyer flinguer Poutine. Non. Nous ne sommes pas dans des trucs politiques. Ce n'est pas. Vous n'allez pas nous faire croire que nous, personnellement, sommes forcément plus compétents que certaines branches. Il y a forcément quelque chose derrière. Est-ce que vous avez besoin de personnes banales? Non, nous avons besoin de vos compétences. En fait, nous nous avons choisi, c'est que les compétences que vous détenez, nous pensons que le groupe que nous venons de former ensemble, vous serez une équipe très performante et que vous arriverez à élucider et à résoudre des affaires que nous vous donnerons. Tout simplement. Et comment on pouvait vous faire ça? On ne se connaît même pas. Écoutez, nous sommes une agence qui travaille pour le gouvernement. Nous sommes sous l'égide du gouvernement, donc nous ne sommes pas là pour vous tromper ou je ne sais quoi. Nous faisons ça pour les citoyens, pour le bien commun, sachez-le. Oui, vous pouvez nous expliquer quand même, je suis parti du FBI, quoi. Pourquoi je ne suis pas avec d'autres agents du FBI? On a un policier municipal ici. Parce que c'est un programme gouvernemental qui a été mis en place pour des affaires sensibles. Et qui relève de la sécurité du pays, de la nation, du pays, des citoyens. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que les citoyens des États-Unis sont en danger? Ah bah écoutez, il y a des dangers partout. Des dangers que certains ne connaissent pas. Des dangers que les gens ne doivent pas connaître. Ça pourrait causer des terreurs, des mouvements de foule, des choses horribles. Donc nous sommes là pour éviter ce genre de choses. Et nous vous font venir pour empêcher cela. Je vois pas réellement qu'est-ce qui ne peut pas relever du domaine de compétences du FBI. Nous avons même une enquête sur le... Laissons monsieur parler, je crois qu'il va nous dire des choses très... Déjà, faisons-nous... sachez que vous nous avez été recommandé par vos supérieurs et que, clairement, le programme est à un tout autre niveau que les autres agences. Nous sommes au-dessus de ces agences et si nous avons besoin de vous, eh bien, vous bosserez avec nous. Ce sera inscrit dans nos états de service? Non. Ah, donc nous devons nous considérer en mission secrète? Exactement. Okay, quel sacrifice du coup on doit faire? Le seul sacrifice que vous aurez à faire sera de ne pas divulguer ce que vous faites. C'est tout. Très bien, donnez-moi le papier, je signe. Écoutez, pour l'instant, il n'y a rien exactement à signer. Pour l'instant, on va vous confier une mission. Je vais vous confier une mission. Ce sera une mission de test. Et vous pourrez, en fonction du résultat, eh bien, vous serez validé en tant qu'agent du programme ou non. Quel genre de mission? Eh bien, écoutez, je vais vous le donner. Donc, c'est une mission, disons, assez simple pour des agents comme vous. Mais on veut essayer de voir un peu jauger la cohésion que vous pourrez avoir les uns avec les autres. Donc, c'est simple, nous avons eu écho par un de nos agents de terrain d'un souci, en fait, dans la ville de Tampa, Tampa Bay. Et en fait, c'est une famille qui vit à Tampa Bay. Ils sont victimes de des gens qui terrorisent une famille. De terroristes. Non, qui terrorise, genre en ceux qui sur leur maison et ils ont reçu, en fait sur leur porte de leur maison ils ont reçu un graffiti qui est couvert de sang avec un espèce de marque dessus. Quoi, et de simples policiers ne pourraient pas résoudre ça ? Oui, justement, en quoi c'est quelque chose de spécial pour des agents spéciaux ? Bon, la police, en fait, traite ça un petit peu par-dessus la jambe parce qu'ils pensent que c'est un banal acte de vandalisme. Mais selon l'agent qui nous envoie ces informations, il semblerait que ce soit un peu plus que cela. Et notamment par rapport à ce qu'il y a sur cette porte qui pourrait indiquer un peu plus que ce que c'est. Et vous pouvez répéter le nom de cette petite ville C'est Tampa Bay, nous sommes déjà à Tampa, donc c'est Tampa Bay. Que savez-vous à propos de cette fameuse marque ? Eh bien écoutez, c'est à vous de vous renseigner. Moi, en soi, je n'y connais pas. Il ne faut pas oublier que c'est un test, hein. Il ne nous dira pas toutes les informations. Hein. Je me doute bien, mais au moins j'en ai essayé. Puis, je veux dire, ce n'est pas un suspect aux dernières nouvelles. C'est pas à moi de... Habituellement, je n'en demanderais plus, mais vu que c'est un test. Voilà, c'est aussi pour vous une façon de... Merci d'ailleurs, Lynn, de comprendre un peu ma démarche parce que, bon, sachez que nous avons nous savons un peu ce qui se passe, mais pour vous, vous devez y arriver à le trouver en fait. Attends, hop, je vais y arriver. Il y a d'autres choses qu'on a le droit de savoir ou c'est fini? Alors, déjà, je vais. Vous pouvez garder le silence et appeler votre avocat. Bande d'incompétents. Alors, je vous signale tout de suite, pas de personnes racistes, hein, c'est parce qu'ils sont noirs que directement vous allez arriver et les accuser, c'est les victimes. Hein, Oui. I see you. Non, mais il y a des personnes âgées dans le groupe. Donc la maison des Berniers est au 3591 North Ridge Avenue à Tampa, en Floride. C'est bien, on a pas donné l'adresse. C'est un quartier assez chic. Vous avez le père de famille qui est un ingénieur en micro-puces. Donc, qui est un emploi assez bien rémunéré. Vous avez sa femme, Evelyne, qui travaille détachée par moment pour le département de police de Tampa. Et ils ont deux enfants, qui sont Chad, qui a 16 ans, et Catherine, qui a 10 ans. Qui est muette. Muette de naissance ? Oui. D'accord. Voilà. Donc j'aimerais que vous alliez un petit peu enquêter là-dessus. Voilà. Alors sachez que comme vous êtes des agents sous couvert, vous êtes officiellement chacun dans vos agences respectives. Mais pour cette mission, vous travaillez pour le programme et vous serez officiellement, quand vous serez sur les lieux, des agents du FBI. Ah, il n'y a pas de problème dans ce cas-là, écoutez. Sachant que vous aurez nous allons vous attribuer une identité avec des papiers qui vont aller avec, puisque vous êtes sous couverture. Vous n'existez pas en soi. Vous ne serez pas vous serez pas Lynn, vous ne serez pas Kenny, vous ne serez pas vous en fait. Vous serez quelqu'un d'autre. Ben, ok. Excusez-moi. Enfin, je veux dire, on est censé agir. Pas non plus des agents secrets, si j'ai bien compris. Vous êtes sous couverture. Vous travaillez pour le programme. Ceci. Est quelque chose qui c'est logique. Connaissant vous n'existez pas. Est-ce qu'on connaît à peu près une fourchette de combien de temps durera cette mission? Oui. Bah après, il faut compter. Vous avez le temps de la faire. Il n'y a pas forcément de timing. Okay. Il faut la réussir. Après, on vous dit pas. Vous avez une semaine. Vous avez 3 jours. D'accord. Vous avez le temps de la réussir. Oui, mais étant sous couverture, on ne pourra pas rentrer au domicile familial, je suppose, donc ça serait bien si on pouvait... Ah si, vous pouvez, mais en faisant vous passer pour des agents du FBI. Ah. C'est pas parfait, mais... Sachez que la femme, Evelyn Bernier, a appelé la police, hein, a fait une oui, a non, déposé non, une non, plainte, je ne critique et, pas du et tout que ça, cette femme est complètement apeurée, complètement... terrorisé par ce qui arrive et que ben voilà en arrivant c'est pas la seule chose qui est arrivée alors mais en fait elle a peur pour sa famille, voilà, comprenez, sa maison a été vandalisée, ils ont même eu il me semble un petit incendie, enfin un début d'incendie mais qui a été très vite enlevé, surtout la porte là, qui a été tagué et a priori c'est bien du sang, hein, qu'on a retrouvé sur la porte, c'est dessiné avec sang humain. On ne sait pas, a priori la police a fait des analyses, il y aurait du sang humain, enfin du sang d'animaux, divers animaux, mélange de sang, ouais voilà, c'est un mélange de différents animaux. Chelou. C'est pas de sang humain, pas de sang humain. Étant donné que nous sommes sous couverture, concernant nos notes de frais, comment vous nous organiser? Non, après, vous inquiétez pas, ça c'est pris en charge, c'est pas vous qui financerez ça. Nous avons déjà mis dans votre véhicule, parce que vous allez avoir un véhicule, donc c'est un véhicule estampillé FBI, un van. Vous aurez tout le lot qui va avec le FBI. C'est un véhicule avec vitres blindées. Vous avez à l'arrière des rangements pour mettre vos armes. Donc vous avez un M16, un fusil à pompe. Vous avez 4 Glock, un pour chacun d'entre vous. Il y a de la technologie dedans, genre. On vous a donné matériel d'écoute, genre. Après, dites-moi ce qui peut vous intéresser à voir et je vous dirai si je peux vous le fournir. C'est pas un souci. Si vous avez besoin, donc vous avez un ordinateur portable, ça c'est une certitude. Vous avez donc 4 téléphones. Par contre, ce seront des téléphones jetables. C'est logique, on est sous couverture. Après, si vous avez besoin d'autre chose, vous aurez des gilets, c'est pas les gros gilets pare-balles, vous savez, c'est les gilets qu'on met en dessous qui se voient pas en fait. Voilà, un Kevlar, voilà. Et vous aurez des vestes FBI. Très bien. Avec badge, tout ça. Donc à savoir que vos identités en tant qu'agent du FBI, vous aurez donc pour Lynn. Vous deviendrez donc l'agent Karamit. Ok. Pour monsieur Dennis Lampron, vous deviendrez. Oui, c'est moi. L'agent. J'ai pas. T'arriveras pas. L'agent Castro. Pour Marc. Il y a moyen de changer les noms, je suis pas fan de... Écoutez, maintenant il va la faire avec. Pour monsieur Marc Arms, vous serez l'agent Morgan. Ok. Et enfin, pour monsieur Kenny Kenneth, vous serez l'agent Kemao. Mais excusez-moi, mais pourquoi donc il a le droit d'avoir le nom d'un grand général de la Confédération et moi je dois avoir le nom d'un dictateur bolchevique. Bon, écoutez, dites-moi un nom d'agent, j'essaierai de le faire changer avant que vous partiez. Bon, bah, très bien, très bien. J'aime bien les chanteurs de salsa aussi. Pas. Sans peu écoutez, si vous devez changer, c'est maintenant, alors dépêchez-vous. Bon, Castro fera l'affaire. Bon, ok. En tout cas, vous devriez sérieusement revoir Léon de Code. Ah, écoutez, voilà. On aurait pensé que vous auriez aimé Castro, ça fait un peu, vous voyez, salsa, danse, latinos, quoi. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de latinos oui, dans une équipe. J'aime bien les tacos. Ah bah voilà. Donc, bah voilà, donc je vous laisse maintenant. Sachez que vous pourrez donc essayer de trouver un hôtel ou quelque chose sur les lieux. Hein. Voilà. Bien sûr, au frais du programme, vous n'avez pas à sortir le moindre dollar de votre poche. L'argent n'est pas un problème. Ouais, du coup, mais à qui on rédige une note de frais ? J'envoie des bitcoins comme d'habitude au bureau du FBI. Vous me les donnerez en fin de mission. Quand on fera le briefing, je prendrai vos notes de frais. Et voilà. Débriefing. Bon. Oh, le débriefing, ouais. Pardon. Merci, merci Lee. Monsieur. Donc voilà, je m'occuperai de ça, il n'y a pas de souci. A savoir que, comme vous êtes sous couverture, bien évidemment, une fois que la mission sera accomplie, que vous. Si vous m'appelez hein, pour me dire, parce que vous avez mon numéro de téléphone qui est à l'intérieur, évitez de dire mission accomplie, voilà, soyez un peu inventif et trouvez. Si on nous a fait part de nos personnalités comme personnes compétentes, je pense que oui, mais bon. Personne ne fera de choses aussi grossières. Je l'espère, sinon j'ai un peu peur de vous. L'oiseau est dans le nid, je rappelle. Voilà. Après, sachez que si vous avez le moindre problème, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler, j'essaierai de vous aider. Très bien. On est d'accord ? Bon, et eh bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne mission. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Oui. Sans problème. Ça va, ça sera fait. Donc vous voyez qu'il se lève et qui s'en va. Si au passage il donne juste la clé du van à l'agent Castro. Allez, fidèle. T'as une vraiment non. Merde! Ah, c'est mon honneur! Bon bah. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez là et vous mangez, vous commandez des tacos? Bah non! c'est très gentil de proposer! Hein, mais... ouais! Bon, on se casse! On se casse! J'ai envie de dire, sure. Vamos à la playa! Vamos à la playa! Du coup, on va aller voir. Vous allez voir la famille Bernier. On sort du bâtiment, on se casse à la ville, voilà. Moi, j'ai surtout, honnêtement, hein, j'ai qu'une hâte d'aller voir le matériel informatique qui est à disposition. Ouais, s'équiper en. Voir à quel point on nous prend au sérieux ou on nous prend pour des cons. Parce que pour l'instant, je suis un peu en demi-teinte sur ce test. Bah, en fait, quand tu te diriges vers le van, donc tu ouvres. Je vérifie, moi, si les armes sont bien chargées. Bien mise correctement. Écoute, quand tu ouvres le coffre, tout simplement, tu vois une grosse boîte, enfin un gros casier en fer, genre, tu sais, ouais. Bien badass, quoi, que tu ouvres, et effectivement, à l'intérieur, vous voyez vos quatre Glock qui sont posés à l'intérieur dans un truc qui a la forme du flingue, hein, tu vois, et il y a une M16 et un gros fusil à pompe. Sur les côtés, il y a des cartouches pour chaque arme qui est disposée dedans. Sur les côtés, vous avez les gilets et les Kevlar qui sont bien rangés, pliés. Sur de, enfin, vous avez aussi un petit endroit où il y a un ordinateur portable qui est prêt à être utilisé, avec des petits dispositifs du type caméra de surveillance, micro et autres trucs du genre. Voilà. Alors, désolé, il n'y a pas de bar à l'intérieur de van, donc il n'y a pas de whisky, de vodka, tout ça. Ça, c'est pas prévu, surtout en service. Pas grave. Les légendes sur le FBI étaient donc fausses. Ouais, voilà. Et oui, pour toi, Kenny, il n'y a pas de boîte de donuts au niveau de tableau de bord. Inacceptable. Oh, c'est honteux. Oh, c'est honteux. Excusez-moi, je dois faire quelque chose. Ok Google, Castro. Non, ça marche pas, merde, putain. Non mais je crois que ça marche pas comme ça la technologie. C'est pas possible. Ça marche pas. L'écran il est tout noir. Il faut l'allumer. J'appuie sur le bouton rouge juste pour le mec. Du coup, donc vous j'imagine que vous vous mettez. Qui c'est qui conduit déjà ? Bah, je vais conduire, allez. Tu conduis ? Ouais. C'est un SUV du FBI, ça ne se conduit pas comme un SUV normal. Oui, bah écoutez, j'ai l'habitude de conduire des tractopelles alors. En vrai, il n'avait pas passé des clés à Denis ? Si, c'est lui qui a les clés, mais après je demande qui conduit. Non, après, bah, c'est lui qui décide. Hein. Non, mais je voulais passer avec lui, il vient de faire attention. D'accord. Du coup, c'est moi ou. Moi, je vois à l'arrière. Hein. Enfin, petit. Ouais, bah oui. Ok. Du coup, bah, vous rendez dans ce fameux quartier de Northridge Avenue. Et donc au 3591, voilà. Donc une fois que vous arrivez devant, vous voyez une magnifique maison avec un terrain assez grand. C'est un quartier assez chic, hein, donc vous voyez que c'est une belle baraque. Hein, franchement, si vous êtes incapable, vous n'arriverez jamais à avoir une maison comme ça. Note à moi-même, demandez au même architecte. Voilà. Donc c'est une maison que les Bernier ont achetée il y a 8 ans, puisque ils sont venus emménager ici il y a 8 ans. En gros... Est-ce qu'on a eu des échos du voisinage déjà non. Bah là vous êtes encore dans la voiture, là je te fais juste une impression, okay. Donc tu vois okay. Que c'est une maison qui est encastrée derrière un haut mur avec un grand jardin. Il y a une cour arrière avec une piscine et plusieurs arbres à fruits. Vous voyez que le garage est accessible via un portail télécommandé. Et il y a une longue allée qui traverse la cour. La maison est en briques roses. Les toits est tout neuf avec des bandes grises dessus et c'est un décor assez frais, assez aéré, très moderne quoi, très moderne avec très parfait. Parfait, comment ça? Un truc idéal, on va dire. Oui, voilà, ça fait un peu maison ouais. Phoenix, tu sais. Ouais. Je vois le genre. Super bien entretenu. Bon, vous avez vu qu'il y a eu quelques petites dégradations quand même à droite à gauche suite au déboire, enfin ce qu'ils ont su. Et la fameuse porte dont vous avez eu la photo, la porte a été changée. Il y a plus rien dessus. En fait. Vous voyez que la porte est neuve. Ouais. Vous voyez que la piscine en fait est couverte. En fait, il y a un gros truc qui protège la piscine. Puisque, comme vous êtes en Floride, sachez que c'est fait pour que les alligators ne viennent pas à l'intérieur. Ah oui! Voilà, et. Donc du coup, sachez que voilà, ça fait ils ont jusqu'à maintenant, ils n'avaient eu aucun souci. Là. Donc là, vous êtes devant la porte. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi leur nom déjà? Les Bernier, la famille Bernier. Comme Bernier Sanders. Si tu veux. Je propose qu'il y a deux d'entre nous qui aillent juste pour faire la reconnaissance. On pourrait frapper à la porte aussi. Et pourquoi juste deux d'entre nous? Après tout, nous sommes une équipe de FBI. Ouais, mais enfin, généralement, on voit plus des équipes de FBI de deux. Juste inutile de les faire paniquer pour rien, je pense. Bah, étant donné que c'est un peu le cœur de notre enquête, je pense qu'il est quand même plus intéressant, certes que deux se mettent en retrait, mais qu'on soit tous là pour entendre les informations primaires. Ah, dans ce cas-là, oui, si on a des oreillettes, c'est pas mal. On a des oreillettes? Vous pouvez avoir des oreillettes, oui. Ok. Comme ça, peut-être, je sais pas, un troisième pour aller voir le ménage, pour avoir un petit peu d'informations supplémentaires ou pas. Bah, et puis le troisième, du coup, restera dans le cas. Si vous voulez qu'on se sépare et qu'il y ait des oreillettes, j'imagine que l'informaticienne va rester dans le van et gérer tout ça. Ouais. Qui interroge? Qui veut interroger? Oh, ok, d'accord, j'ai compris, c'est bon ça. Bah, je t'accompagne et monsieur l'agent Morgan, si vous voulez faire le tour un peu pendant qu'on fait tout ça. Je vais aller faire le tour, parler au voisinage, au petit Kevin 3 ans. Ça marche. Ok, donc vous allez frapper. Qui va à la porte des Berniers? Moi. Et moi. Les deux flics. Ok. Et l'agent Kamau. Ah, qui frappe à la porte? Ou qui sonne? Je vais sonner. Ding dong. Voilà, c'est fait. Donc, vous attendez quelques instants et effectivement, au bout de 30 secondes, la porte s'ouvre et c'est une femme qui ouvre la porte. Bonjour. Bonjour. C'est une femme blanche. Oui, bonjour. Sommes-nous bien chez les Bernier? Oui, je suis Evelyne Bernier, c'est moi. Est-ce que vous êtes bien la famille qui a été récemment victime de tags et de graffiti dans leur porte? Oui, mais pourquoi? Je me présente, agent Castro du FBI. Le FBI de, vous, mais pas celui de Cuba, ni celui de la salsa, mais voilà. Oui, voilà, nous avons décidé de prendre plus en considération votre... Écoutez, je m'attendais pas à ce que le FBI vienne enquêter sur notre nos problèmes, mais c'est parfait, c'est très bien. Essayez de la rassurer. Oui, je l'ai dans l'oreillette. On a vu une récidiviste. Ça s'est arrivé plusieurs fois dans d'autres états et on pense que c'est la même personne qui s'est mise à faire le coup. D'accord. Dès que c'est entre plusieurs états, vous savez comment ça marche. Hein, c'est les lois de notre pays. Alors on revient. Non mais c'est parfait. Moi, c'est vrai que je suis assez inquiète. Enfin, mon mari, lui, il pense que c'est rien du tout. Mais moi, personnellement, c'est moi qui ai fait toutes les démarches parce que ça m'inquiète. Vous savez, les enfants, je m'inquiète pour eux. Vous savez, en plus, ma porte, quand je suis venu, j'ai vu du sang dessus dessiné. Enfin, moi, c'est voilà. Vous comprenez, c'est un, enfin, voilà. Vous avez bien raison, et vous pouvez, à chaque fois que vous avez un problème de voisinage ou de cet ordre-là, penser au FBI. FBI. Je pensais pas que je pouvais tout de suite appeler le FBI. Écoutez, la prochaine fois, je le saurai. Écoutez, bon, est-ce que vous... Vous avez un numéro de téléphone où je peux vous appeler si jamais j'ai un On verra ça plus tard. Est-ce que Monsieur Castro, c'est ça, vous avez dit agent Castro, c'est ça? Agent Castro. Attendez, je vais noter. Agent Castro. Oui, Voilà. Est-ce que vous nous permettriez de rentrer, s'il vous plaît ? Bah, tout à fait. Allez-y, tu vois qu'elle se pousse, elle ouvre la porte. Allez-y, vous voulez boire quelque chose, peut-être ? Et vous, monsieur, vous êtes ? Agent Caïmo. Ah, Agent Caïmo, d'accord. Donc, rentrez, si hein, allez-y. Je voudrais bien un café bien serré, s'il vous plaît. D'accord. Et vous, monsieur Caïmo ? Vous avez un whisky ? Vous n'êtes pas censé ne pas boire en service, il me semble, non ? Je ne sais pas, moi je dis ça, mais... Vous inquiétez pas, je tiens bien. Je suis... je travaille de temps en temps pour la police de Tampa. Je sais que généralement, ils ne sont pas trop autorisés à boire en service, mais peut-être c'est différent. L'agent Camargue aime bien plaisanter. Camargue ? Il va prendre un café comme moi. C'est Camargue ou Kemao ? Kemao. Oui, c'est d'accord. Ça. Oui, d'accord. Écoutez, d'accord. Non, je présentais un café, c'est bien. Ah, d'accord. Bah, écoutez, non, mais je comprends. Vous essayez de détendre un petit peu l'atmosphère. Parce que je suis un petit peu. Voilà, c'est vrai que. Depuis quelques temps, je suis un peu tendu. Et c'est vrai que je peux vite m'inquiéter. Mais. Ne vous inquiétez pas. Le FBI est là pour ça. Est-ce qu'on peut s'asseoir quelque part? Enfin, on voudrait vous mettre plus à l'aise, quoi, pour vous poser quelques questions. Oui, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, allons-y. Bah, asseyez-vous. Je attendez 5 minutes, je vous rapporte les cafés. Donc, vous voyez qu'elle s'en va dans la cuisine. Hop. Mon mari n'est pas là, mais il n'y a que ma fille qui est là. Après, elle est muette. Donc, est-ce que l'un d'entre vous connaît le langage des signes? Sinon, si jamais, voilà. Non, vous connaissez pas le langage des signes, non? Je connais l'espagnol, mais non, ça servira pas à grand chose. Mais d'accord, écoutez, bah, c'est vous. Donc, vous voyez, elle revient avec des cafés, elle s'assoit. Donc, du coup, que voulez-vous savoir exactement? Moi, c'est arrivé il y a quelques. Ça a commencé il y a quelques mois déjà de cela. Une date précise, enfin, même si je sais que plus c'est loin, plus c'est difficile. Ah, ben, je sais pas, ça doit faire. Oui, 2 mois à peu près, 2 mois que. 2-3 mois. Ouais, 3 mois à peu près que ça a commencé. Au début, c'était des poubelles renversées. Il y a eu même un début d'incendie sur une des poubelles de la maison. Et puis après, ben voilà, c'est des vitres cassées. Nous avons eu la porte. C'est la porte. C'est d'ailleurs la porte qui m'a inquiété le plus, puisqu'il y avait du sang dessus. C'était ignoble. C'était terrifiant. Bon, la police me dit que c'est du sang d'animaux, mais quand même, voilà, ils ont dû torturer les animaux pour faire ce truc horrible. Pas forcément, madame, si ça peut vous rassurer, peut-être qu'ils ont, je sais pas moi, leur lien dans une boucherie, quelque chose comme ça, vous savez, c'est tellement facile aujourd'hui. Oui, mais bon, de là à écrire sang... Je n'ai plus, je pas de l'acte, juste pour rassurer, hein, peut-être qu'il s'agit juste de gamins du quartier qui ont... pas piocher une qui ont juste ramassé un bout de pain dans un abattoir et qui se sont amusés avec. Bon, il ne faut, même si effectivement si ça a lieu depuis plusieurs mois, tout ce tapage, toutes ces poubelles, je pense que oui, c'est plutôt préoccupant. Est-ce que vous disposez d'un système de vidéosurveillance? Non, nous n'avons pas, malheureusement. On voulait en mettre un, justement, mais on attend qu'il soit mis en place, mais l'entreprise ne l'a pas encore mis. Donc nous n'avons absolument pas. Est-ce que le quartier, non, la commune, dans votre résidence, vous n'avez pas une ou deux caméras, peut-être, financées par le voisinage, le collectif? Non, pas du tout, pas du tout. Je vois. Ouais, vous devriez penser à soumettre peut-être prochaine réunion de voisinage. Mais en fait, c'était prévu, mais Mais le temps que ce soit mis en place, c'est, vous comprenez, c'est quand même un investissement, c'est très cher pour le quartier. Donc, même si nous avons des revenus, on est aisé, mais quand même, quoi, c'est un investissement important. Mais moi, je suis d'accord avec vous, hein, je médite pour ça, encore plus depuis que ce qui nous arrive. Il est vrai que ça doit être fait, vous avez raison. Posez-lui la question s'il y a eu d'autres incidents. C'est déjà fait. Pardon ? Autant pour moi. Vous parlez tout seul, monsieur ? Je sais pas. Non, on se dirait. Non, mais vous inquiétez pas, c'est comme si c'était déjà fait. Hein. On va l'avoir, hein, ce petit con. Ça nous a vous faire. Enfin, en tout cas, pour vous dire, nous sommes la seule maison qui a subi ce genre de choses. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Bon, la police nous dit que ça pourrait être des jeunes qui font des trucs un peu racistes. Parce que oui, mon mari est noir. Mais voilà quoi. Nos enfants aussi. Mais vous savez s'il y a, je sais pas, une cellule du clan de la région qui est supporter. Du clan. Le KKK, vous savez. Écoutez, je sais pas, j'espère pas, je ne pense pas. Savez, j'aurais plus vu ça en Louisiane, mais écoutez, j'espère pas. Dis-moi, j'ai jamais vu d'un moment avec des capuches sur la tête. Si c'est ça que vous voulez savoir. Ils sont très discrets et présents dans bon nombre d'états, on ne les attend pas. Est-ce que vous, les ancêtres de vos maris, de votre mari, excusez-moi, ont peut-être, je ne sais pas moi, des liens avec des organisations telles le Black Panther Party qui aurait pu faire, je ne sais pas. Oh, alors là, écoutez, je n'en sais rien, il m'en a jamais parlé. Moi, ça fait 8 ans que nous sommes ensemble. Je sais pas, moi, Nation of Islam. Mon mari ne fait pas partie de ce genre de groupe. Non, est-ce que vous avez eu un grand-père qui a médité? Non, monsieur, pas de ça. Donc, je ne l'ai pas. Là, voilà. Moi aussi, ça fait 8 ans que je suis avec mon mari. On est venu habiter là. Et pas de problème particulier, on a une bonne situation, c'est vrai. Donc ça a commencé que récemment par rapport à ces 8 ans que vous avez passé ici? On va dire les 6 premières années se sont très bien passées. On a eu un cambriolage, les personnes ont été appréhendées, il n'y a pas de soucis. Mais depuis, il s'était rien passé. Tout était parfait, quoi. Et puis après, voilà, mon mari n'a jamais... Enfin, mon mari et moi, en fait, on venait d'autres états, puisque lui était de Chicago. Et moi, je venais de l'Illinois. Et on est venu aménager ensemble ici. Donc, on n'a aucun passif avec les gens du coin. Ne serait-ce que dans les 8 années qui sont passées. Votre fille. Ce n'est pas ma fille. En fait, je ne peux pas avoir d'enfant. C'est les filles de mon mari. Je vois. Ah, c'est oui, il est divorcé. Divorcé et donc nous sommes ensemble depuis 8 ans. Ah, c'est une petite histoire. Hein, toutes ces familles qui arrivent à se recomposer. Et comment dire, vous savez si elle a, je sais pas moi, des problèmes vis-à-vis de son handicap à l'école. Ça peut paraître anodin, mais les enfants sont très cruels. Hein, vous savez ce qui se passe avec leur famille scolaire. Puisque en fait, Catherine est. Puisque c'est donc la petite de Catherine. Elle a. En fait, elle est dans un établissement spécialisé. Du coup, tous les enfants sont muets. Il n'y a pas de. Elle est dans un cours, dans des cours au centre de langue et d'apprentissage de Tampa, donc qui est une école uniquement pour les déficients auditif. Mais c'est une excellente élève, elle a aucun problème à l'école. Elle est très épanouie. Mais vous pourrez aller la voir hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Je pense que nous irons la voir si vous êtes d'accord. Mm-hmm. Du coup, vous savez, même dans les écoles pour handicapés, il y a souvent des petits bullies hein, qui nous ont terrorisés, des petits caïds. Même si c'est triste à dire, hein, mais c'est présent partout. Non, franchement, je pense pas. Et puis de là à venir jusqu'ici, elle a 10 ans. Hein. Je veux dire, après, c'est des jeunes. Hein. Je veux dire, si c'est des enfants qui terrorisent à 10 ans et qui viennent chez des gens comme ça. Et puis clairement, on voit que c'est pas fait par des enfants de 10 ans. Hein. C'est quand même. Non, c'est pas possible. Des nouveaux voisins qui seraient arrivés aux alentours des moments où les choses ont recommencé Non. Tous les voisins qu'on a autour, on les connaît depuis longtemps. Dès qu'on est arrivé, ils nous ont super bien accueillis. On se voit régulièrement. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'intrigue. Parce que je veux dire, qui pourrait faire ça? Puisque dans le quartier, on est très bien vu. Et puis, les gens nous aiment bien. Donc c'est assez. On comprend pas trop en fait de pourquoi ça ce serait là quoi. Et comment dire est-ce que concernant le modus operandi, est-ce que vous savez quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que vous étiez à la maison? Est-ce que vous étiez au travail? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un? Généralement c'est la nuit. Ça arrive la nuit. Ouais, c'est la nuit que ça se passe. Vous êtes présent au domicile. C'est pas quand vous êtes sorti chez des amis ou... Non, bah, êtes... moi je reste à la maison, je suis à la maison tout le temps maintenant. Je travaille occasionnellement en fait, mais en ce moment je suis tout le temps à la maison. Vous êtes en temps partiel, c'est ça? Oui, en quelque sorte, oui. D'accord. Mais c'est essentiellement la nuit que ça se passait. Pour ma part, j'ai pas vraiment entendu de choses... C'est vraiment... Non, moi pour ma part, je n'ai jamais rien entendu, mais... Une lampe torche, vous n'avez jamais été réveillé la nuit parce qu'on a renversé une poubelle et vu une silhouette partir, n'importe quoi, aucune trace. Mais honnêtement, moi, dans mon fort intérieur, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qui se passe dans ma maison. Je ne saurais pas vous le dire, mais l'instinct de la femme, vous comprenez hein, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe chez moi. Et c'est pour ça que je suis très... j'ai très peur, en fait. Je ne saurais pas vous dire. Mais j'ai peur. Mais écoutez, madame, nous sommes là pour vous rassurer. Ce petit malfrat qui court ne restera pas plus longtemps impuni. Nous sommes là et nous allons quand même. D'accord. Vous voulez, je sais pas, visiter un peu la maison, discuter avec Catherine. Mon fils va pas tarder à arriver, et Chad et mon mari dans pas longtemps. Une dizaine de minutes, ils seront là. Maison, rien à signaler avant. À qui cela appartenait, je sais pas, il n'y a pas eu de problème. Non, c'est une maison neuve, elle a été construite pour nous en fait. Il y avait quoi avant ici? C'était du vide, c'était un terrain vide. Terrain vague. Ouais, c'était un terrain. C'est pas un lire. C'est plus non, il n'y avait pas de cimetière hein, si vous voulez savoir. comme ça. Pour vous donner une idée de quand on vient. Tout le lotissement a été construit en même temps. En fait, il s'est construit petit à petit et nous on a eu cet emplacement là. Voilà. Très bien. On n'avait pas d'animaux, ce genre de choses, vous savez. Non. Non, on n'a pas de ça. Et le jardin, vous avez une vue sur un endroit en particulier Les voisins. En fait, on a toutes les maisons qui entourent. La route derrière, enfin, je veux dire, Nous avons les Sanders derrière, les Payton sur la gauche, les Wilkinson sur la droite. Je vois. Donc, si jamais quelqu'un essaie de s'introduire dans votre domicile, il ne pourrait pas s'enfuir par derrière, par une route. Ouais, voilà, non, il y a, c'est un lotissement un peu fermé. Hein. Là, vous êtes sur la route principale, on est quasiment. Mais si vous voulez, je vous fais un peu la visite de la maison, si vous voulez. Oui, mais de toute manière, on allait fouiller la baraque. Oui. Ok. Eh bien, suivez-moi, alors. Okay. Voilà. Madame, c'est une maison, pas un dossier. Voilà, vous avez le plan de la maison, comme ça, ce sera plus simple. Ouf, c'est quoi, cette maison? Ben, c'est une grande maison, tu vois. Donc, le bas et l'étage. Morgan, est-ce que tu m'entends? Donc, vous êtes rentré par le porche. Et du coup... Oui ? Pardon. Je demande à Morgan. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose ? Des remarques à faire ? N'importe quoi ? J'imagine que je l'occupe la femme pendant qu'ils discutent tout seul. J'avais la main devant mon... À part fouiller toute la maison, non, je vois pas. Ah si, peut-être... Allez voir peut-être la fille, essayer de discuter des dessins. Ok. Soyez créatif. Merci. Over. Over. Ok, donc si vous voulez, je peux vous faire visiter un peu la maison. Là vous étiez dans le living room hein, parce que c'était là que vous aviez pris le café. Donc sur vous avez les toilettes, on te montre les toilettes, la chambre des invités. Nous avons une chambre d'invités, nous avons notre chambre, donc elle vous montre Timothy and Evans Burns Master Suite, donc c'est notre grande chambre, une belle chambre avec un grand lit king size et tout ce qui va bien avec. La salle de bain qui est accolée à une salle de bain magnifique, tout en marbre, voilà, franchement un truc de fou. Je vous présente le garage. Bon, c'est un garage classique très très propre, franchement. Avec il peut contenir deux voitures. Là, il y a la sienne, donc c'est une Buick, un modèle assez récent. Et le bureau où elle travaille pour la police de temps en temps, parce qu'elle fait un peu de travail à la maison. Et là, vous montez donc les étages. À l'étage, enfin allez, il y en a un seul, à l'étage du dessus. Et donc qu'est-ce que vous faites? Vous voulez aller tous dans la même pièce ou vous décidez de partir un peu chacun de votre côté? Moi, j'imagine qu'on va se séparer, ça ira plus vite. Hein. Pendant ce temps-là, tu as le... Lynn qui est en train de dormir en voiture. Est-ce que moi j'ai trouvé des infos? Alors, oui, c'est vrai que moi je suis en train de parler, mais oui. Donc, toi, t'es parti faire quoi du coup? Parce que je sais même plus, je t'ai pris des paroles. Je suis allé justement. J'ai essayé de parler avec les voisins. En fait, quand tu vas justement avec les Payton et tout ça, tu parles et effectivement, tous les voisinages avec qui tu parles, ils apprécient énormément la famille Bernier. Ils les consultent, enfin ils les voient assez souvent. Généralement le week-end, ils essayent toujours de se faire un petit barbecue se faire un petit truc chacun chez les autres. Ça fait des années qu'ils se connaissent. Ils ont toujours eu de bonnes relations. Avec les Bernier, franchement, c'est pas aucune animosité quoi. Ok. Tu sens que tu vois, il y a rien à gratter au niveau du voisinage quoi. Merde. Du coup, j'en profite parce que c'est vrai que là vous n'avez pas plus l'habitude de gérer plusieurs mondes. Lynn, du coup, toi t'étais resté dans la voiture, tu voulais faire quoi en fait pour l'instant? Bah, vu que c'est moi qui dois occuper, m'occuper des communications, bah, je me fais ça, mais je vais pas faire que ça, parce que regarder un écran fixe, c'est pas très intéressant. Ouais. Bah, du coup, en utilisant l'image que je suppose il nous a donnée dans les dossiers, parce que sur le PC, je suppose qu'il doit avoir quand même quelques documents par rapport à l'enquête. Oui. Notamment bah, la photo qu'il nous a envoyée de la porte pour commencer des recherches autant sur le net visible que le net non visible vis-à-vis de cette image, hein, voir à quoi elle renvoie. D'accord. Alors, du coup, je te dis ça. Donc, ok. Alors, je vais dire ça. Donc, toi, quand tu cherches, donc on va dire, tu cherches d'abord sur le net standard. Honnêtement, le net standard, tu trouves rien de spécial par rapport à ce dessin. Il n'y a rien du tout. Et donc, tu as mentionné le dark web, si j'ai bien compris. Et donc. Attends, c'est il est marqué où c'est? Où c'était? Je suis là. Je suis très fort, de toute façon, dans tout ce qui touche informatique. Fais des succès automatiques. Tu n'as pas besoin de réfléchir. J'ai 80% partout. Donc, eh bien évidemment, du coup, oui, tu trouves quelque chose sur le dark web. Donc, tu vois que donc, c'est une marque, donc un cercle coupé en deux lignes avec un cercle petit et une ligne intérieure dessinée, ce qui apparaît du sang et des effluves d'animaux. Donc tu peux identifier que ces dessins étaient faits avec une sorte de corne, comme une griffe, hein, une griffe ou une corne, quelque chose d'acéré en fait qui a vraiment creusé et émoussé la porte. Tu trouves que ce serait un symbole qui serait associé à une divinité grecque qui serait appelée qui aurait plusieurs noms, qui serait appelée Kor, Kos ou même Yos. Et ça ferait mention d'une déité donc qui s'appellerait Kor et qui serait la reine des enfers. Qui serait aussi liée à un rituel qui est le catabasis. Voilà. Enfin, le monde souterrain, le monde des enfers, quoi. C'est ce que tu trouves par rapport à ce symbole en cherchant sur le dark web. Intéressant. On en sait des choses sur dark web. Bah parce que tu cherches bien, tu vois. T'es vachement fort. Bah bien sûr. Enfin, je fais ça toute ma journée, alors bon. En même temps, voilà, c'est pas rentable, tout le temps qu'ils ont parlé à causer avec la gondesse, t'as eu le temps de chercher, tu vois. Ouais, et encore, ils ont pas fini. Et toi, tu vas. Tu vois. Bon, après, je me dis que ce que t'es en train de chercher là, c'est pas. Ouais, je vais trouver au final. Si voilà, dans la finalité, c'est ce que tu trouves après. Voilà. Donc, tu sais que, oui, par rapport au rapport de police, ils ont retrouvé. C'est que c'était fait qu'un mélange d'entrailles de chat, de lézard et de petits rongeurs. Ouais, d'ailleurs, j'ai le dossier de la police, du coup, sur son fer. Oui. Ça, c'était dans le dossier de le rapport de police. Ok. Ouais. Du coup, je vais aussi le décortiquer, voir s'il dit des choses, enfin, s'il donne peut-être des premières pistes, ce genre de choses. Genre, parce que bon, ils ont l'air d'en avoir eu rien eu à foutre, mais vu qu'ils ont fait quelques recherches au moins pour savoir ce que c'était. Bah, en fait, ils estiment que ce serait un groupe de jeunes, des branleurs, tu vois, qui auraient fait pour terroriser les soit. Mais je lis quand même en détail les rapports au cas où. Ouais. Y a la petite info qui pourrait être intéressante. Là-dedans, quoi, genre, honnêtement, de ce qu'en ressort la police, tu sens qu'ils en ont rien à secouer, quoi. Que c'est clairement une. Voilà. De toute façon, on peut pas attendre grand-chose de la police. La police non spécialisée, bien sûr. Ah. Nous, on est au-dessus. Et je viens de la police. Non. moi, c'est ce que je disais. Moi, pendant que tout ça se traite. Je termine mon petit tour de Venège. Est-ce que je. Là. Attends, est-ce que là je t'entends plus? Ouais, tu coupes. Ah, est-ce que. Je demandais, est-ce que je peux aller derrière la maison et regarder un petit peu s'il n'y a pas une porte dérobée ou quoi? Ou qu'est-ce? Tu fais le tour et tu vois que. Il y a rien en soi. Tu pourrais peut-être presque ça la clôture de la baraque, mais il y a pas d'ouverture, mis à part le truc de base. Il y a rien qui va vers l'extérieur à part le garage et la porte standard. Je regarde juste si le garage est ouvert, sinon je remonte dans la camionnette. Non, là, le garage il est fermé là. Ok, d'accord. Ok, du coup, pour nos amis qui sont à l'intérieur, donc vous séparez, donc vous allez où exactement? Pour ceux qui vont quelque part. D'après le message de l'agent Castro, on ne se sépare pas, il me suit pour l'instant. D'accord. Oui, donc il me suit et on va commencer à. Fouiller, oui, en effet, un peu. Je sais où est-ce qu'on se trouve là actuellement, parce qu'on a fait la visite. Là, vous êtes monté à l'étage et vous êtes en haut de l'escalier. Vous avez sur votre gauche la chambre de Chad et sur sa droite la salle de bain. Alors, attends, il faut que je me place. Hein. En fait, il faut que tu imagines que le stair down. Côté ouverte, c'est le haut des escaliers. C'est quand t'arrives, en fait, tout arrive en haut. Hop, comme ça. Et donc, en gros, tu fais face au mur qui est en face de toi. À ta gauche, tu as la chambre de Chad et à ta droite, la salle de bain. Voilà, vous êtes là. Tac. Donc, ils ont une chambre séparée. Oui, les enfants ont chacun leur chambre. Chacun leur chambre, ouais. À savoir que ils sont aisés. Pour l'instant, il n'y a que Catherine qui est là. Chad n'est pas encore arrivé. Attends, j'ai du mal encore à savoir qui sont les adultes et qui sont des gosses. Catherine est l'enfant de 10 ans qui est muette. Chad est l'enfant de 16 ans, le garçon qui est pas muet lui. tu as Evelyne qui est la maman. Ok. Et Timothy qui est le papa. Ah mais voilà, c'est le Timothy qui me perturbait et qui a l'idée d'avoir un nom de gosse comme ça. Désolé, il a pas choisi. Il a pas choisi. Je pense que je vais m'intéresser pour commencer. Oh, bon. N'importe quoi en fait. Oh la washroom. Je vais commencer par la washroom. La salle de bain? Ouais, la chambre. Ouais. Ok. Donc, du coup, l'agent Castro se suit alors? Moi je vais plutôt. Ah, il a repris son indépendance. Ah. Donc, du coup. Tu veux changer de direction? Oui, moi je vais plutôt aller voir la petite fille si ça vous gêne pas. D'accord. Mais écoute, la maman te dit. Écoutez, je vais venir avec vous, je vous ferai les traductions si vous voulez. Ou alors si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi l'écrit. Hein, vous pouvez. Oui, c'est ce que je pensais faire. Mais c'est comme vous le souhaitez, si vous voulez. Non, après moi je veux pas vous embêter dans votre investigation. Je comprends bien que pour des soucis de. Je pense que vous ne pouvez qu'être utile, hein, vous savez, un ordre. Oui, mais bon, j'ai travaillé pour la police, je sais un peu comment ça se fonctionne. Je vous avais que je suis pas très à l'aise non plus, j'ai pas trop l'habitude. Mais c'est comme vous voulez. C'est à vous de me le dire. Moi, je ne peux que... Si moi, je te fuis... Si vous avez besoin de moi, sinon, je peux même vous laisser tranquille et puis vous venez me revoir quand vous avez fini. Oui, je pense que je vais essayer de faire tout seul. D'accord, écoutez, il n'y a pas de souci. Donc, elle se retourne vers toi, Kenny. Vous aurez besoin de moi aussi ou je peux retourner... Oui, non, aucun problème, je me débrouille tout seul. Eh bien écoutez, je suis en bas, dès que vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez surtout pas. Vous voyez qu'elle descend. Du coup, on va faire... on va commencer par Kenny. Donc, quand tu commences à te diriger vers la salle de bain, et au moment où tu rentres dedans, tu ouvres la porte et pendant l'espace de quelques secondes, mais c'est, enfin une fraction de seconde, c'était vraiment infime. Tu as l'impression que t'as vu quelque chose se déplacer sur la gauche. Oh là. Mais c'était vraiment, c'est comme un, t'as une sensation de quelque chose qui a bougé sur ta gauche. Mais quand tu regardes, y a rien. Mais voilà, peut-être tu étais une fausse impression, quelque chose, un sentiment bizarre, mais voilà, ça t'a. D'accord. Ok, c'était sûrement juste, c'était probablement juste le vent. Ouais, parce que clairement, y a rien du tout, hein. Tu vois juste. Voilà. D'accord, je vais quand même m'intéresser un peu à la pièce, voir si. Ouais, bien chose, sûr. Hein, vu que c'était mon. Ben donc c'est une salle de bain très très très classique, mais à la fois assez salle de bain quoi. Oui, mais enfin très bien agencé, tu vois. Il y a un beau miroir à l'intérieur, un assez grand miroir dans toute une longueur qui vient jusqu'au sol, tu vois, quasiment du sol au plafond. Tu as une belle douche, donc tu as les deux. Tu as soit la baignoire et la douche, hein, avec le machin en plastique là que tu ouvres. Après, il y a deux lavabos, donc tu sens que vraiment ils ont les moyens parce qu'il y en a un avec toutes les affaires de Chad et un autre avec toutes les affaires pour Catherine. Donc, petite brosse à dents, tout ça, toute nickel. Et après, c'est des affaires tout à fait classiques de salle de bain, quoi. Franchement. D'accord. Ouais. En regardant le plan, je me demande si il n'y aurait pas la possibilité. Enfin, là, c'est de la théorie. Mm-hmm. De genre qu'on pourrait rentrer dans cette salle par la fenêtre en montant depuis en bas sur ce qui est appelé le nook. Nook. En bas à l'étage d'en dessous. C'est juste en face, il me semble. Ouais, enfin après. Oui, ça pourrait être possible. Après, si les fenêtres sont fermées, à moins de les casser, faudrait les briser quoi. Je regarde les fenêtres, voir si c'est le genre de truc qui s'ouvre facilement. Ou... Bah, quand tu regardes, en fait, tu vois que les fenêtres sont. C'est du double vitrage avec la poignée bien, tu vois, que tu dois tourner pour ouvrir et qui s'ouvre vers l'intérieur. Donc clairement c'est quelque chose de à moins de la casser la fenêtre, tu rentres pas comme ça quoi. Ok, d'accord. Ouais. Et il y en a deux, donc les deux c'est la même chose. Bon, je pense que j'en ai fini avec cette pièce pour l'instant. Ok. Bah du coup, par rapport à toi, l'agent Castro, tu te retrouves du coup dans cette chambre et tu vois la petite Catherine qui est en train de faire du dessin dans sa chambre tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Donc comment tu l'annonces? Alors, j'imagine que tu dis bonjour, mais que c'est écrit sur une feuille. Oui, Parce que, non, Ah non, quoi, enfin, non, tu. Non, c'est, non elle est muette, elle est pas sourde. Allez, j'en vois moi. Elle est sourde, muette, aveugle, insensible. Non, bah, c'est, non, mais c'est moi qui. Donc, oui. Bonjour. La main. Hmm pardon, j'ai pas entendu. Elle dit bonjour, elle lui fait un petit signe de la main. Ouais, elle te fait un signe de la main. Donc tu comprends ce que je dis, y a pas de problème. Bon. Je suis désolé, je parle pas la langue des signes, mais je peux te donner, enfin j'ai quelques questions à te poser, si tu veux, je peux te donner un bout de papier pour écrire. Ça te convient ? Bah, elle prend le papier, elle écrit, elle te montre. Vous êtes qui ? Alors, je suis de la police. Je sais pas si tu sais, mais il y a des gens qui se sont un peu amusés à abîmer votre maison. Bon, et je suis là pour les trouver et les punir. Et bon, c'est pas très légal, et dans ce pays, on a des lois qui protègent nos biens. Voilà. Excuse-moi, d'accord. Je pars un peu dans les détails, je suis un peu. Bref. D'accord, je comprends. Si je me souviens bien, ta mère m'a dit que tu t'appelais. Je m'appelle Catherine. Catherine, ça. Elle parle. Non, mais je vais pas à chaque fois faire comme ça, mentir. Oui, bon. J'ai retrouvé le droit. Voilà. Bon. C'est un beau nom, c'est un beau prénom, excuse-moi, Catherine. En tout cas. Et ah, merci. Catherine, est-ce que tu as vu. Est-ce que tu as vu ou entendu des choses récemment ? Du bruit la nuit, vu une silhouette, une ombre, quelque chose comme ça. T'inquiète pas, scénario, hein, c'est le scénario va me le dire. Genre... attends, faut que je me mette. Elle te dit. Non. J'ai rien entendu, j'ai rien vu. Bon, sinon, en ce moment, à l'école, tout va bien. Oui. T'as pas de soucis. T'as des bonnes notes. Ma mère m'a dit, c'est bien. Faut continuer comme ça dans la vie. Bah, j'essaye. Je veux faire plaisir à mon papa et à ma maman. Et du coup, comment dire. C'est. Donc, c'est ta chambre, tu vis ici, enfin, tu es, t'as pas école aujourd'hui ? Demande-lui si elle se sent bien. Là, en fait, j'ai fini l'école. Parce que là, en fait, vous imaginez, il doit être 16, enfin, 17h, un truc comme ça, à peu près, dans la journée. Donc, oui, j'ai fini l'école, et là, j'étais en train de faire un peu de dessin. D'accord. Et... Est-ce que tu te sens bien ? Tu vois que tu vois que ce qu'elle dessine, ça, c'est un peu surprenant. Enfin, un dessin d'enfant, mais tu vois une fille, une petite fille qui donne la main à une tache noire. C'est qui ? C'est son dessin, c'est elle fait ça. Je lui demande, c'est qui le bonhomme ? Oh, oui, c'est moi et le bonhomme. Je l'aime bien. J'aime bien ce bonhomme. Comment il s'appelle ? C'est quoi son nom ? Et comment il s'appelle ? Le bonhomme et moi je l'aime bien. Et il s'appelle Douceur. D'accord et. Tu le connais ? Enfin, bah c'est un bonhomme que j'aime bien dessiner. J'avoue que c'est comme ça que je dessine. D'où est-ce qu'il vient ? De mon imagination. Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ? Qu'est-ce que tu pensais la première fois à quoi tu pensais la première fois que t'as dessiné ça ? Comme un ami quoi, comme un ami qu'on a, quand les enfants ils ont, vous savez. les amis imaginaires un peu. Moi, c'est un peu comme mon ami imaginaire à moi. Mmh, t'es grande pour comprendre tout ça. T'es trop intelligente. Bah oui, c'est ce qu'on me dit. Et du coup, ton frère, tout ça, ça se passe bien avec lui? Ouais, mon frère, il est très gentil. Il parle la langue des signes, lui aussi? Oui, tout le monde parle la langue des signes. C'est génial, ça. T'as beaucoup de chance. Et du coup, quand on y retourne, tu te sens bien aujourd'hui? Y a pas de... Oui, moi je suis très heureuse. Mon papa, il est très gentil. Ma maman, Evelyne, elle est très gentille aussi. J'ai pas de... Pourquoi vous pensez que ça va pas? Non, je suis m'assuré que tout va bien, que tu fais bien, et je constate... Bon. Et du coup, tu penses que tu n'as rien à me dire d'étonnant, de particulier qui s'est passé récemment? Il n'y a personne qui t'a bousculé dans la rue, quelque chose comme ça, qui s'est mal comporté avec toi? C'est important, hein. Non, franchement, il n'y a personne. Attends, je regarde un peu ta fiche à toi là. Non, il y a personne. Moi, pour l'instant, je vais dire qu'il y a que des gens que j'aime bien. Voilà, il y a mon papa, il y a ma maman, il y a mon frère. Et lui. Donc, est-ce que ses parents sont au courant? Est-ce que... Tes parents le connaissent aussi? Tu lui as déjà montré? Qui la tâche. Excuse-moi, je sais pas si... Ah non. Douceur. Non. Secret. C'est mon secret, c'est à moi. C'est mon ami, quoi. C'est ton amoureux? Non, c'est pas mon amoureux. Bon, je pense que... Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ben non. Tu n'as rien oublié. Je pense que c'est un message secret. Dis donc, Morgane, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà. Alors, si tu pourrais ramener 2-3 sucrètes. Eh, tu regardes, mais vous avez oublié quoi? Non. Vous voulez un dessin? Vous voulez que je vous fasse un dessin? Non, mais je prendrais bien un verre de Morgan. Henry. Morgan Henry. Je me demandais juste s'il avait oublié quelque chose. Mais bon, visiblement, j'ai pas de réponse dans ma tête, donc on veut dire que tout va bien. D'accord. Bon, allez, je te laisse tranquille. Tu peux me faire un dessin. T'avais qu'à dire que tu parlais à ton propre ami imaginaire, et bam, elle se serait rapprochée de toi. Au revoir, monsieur. Salut. Donc, vous descendez, vous retrouvez. J'ai oublié Kenny qui sort qui sort de la salle de bain, on va dire. Vous allez faire une autre pièce, vous recroisez, vous... En même temps, qui c'est qui est dans la voiture? C'est toi, Lynn. Tu vois passer pendant que t'es dans la voiture. Ouais. Enfin, vous voyez passer. On m'a rejoint, Skip. Du coup, on boltait. Du coup, tu vois passer un petit garçon qui va pour rentrer dans la maison. Alors, il passe devant le véhicule, mais il fait pas forcément attention. Je J'appuie sur la petite touche push to talk, tu vois. Ouais. Et je fais le petit enfant arrive, si vous fouillez sa chambre, c'est maintenant ou jamais. Je me précipite dans la chambre. Sans courir quoi, mais je veux dire, je continue la fouille, mais je. Non mais je vois tellement le mec qui passe devant la mer en courant. Non mais non, la mer elle est descendue donc il y a personne. En soi, il y avait personne. C'est l'image, c'est drôle, le mec qui se précipite. Tu vois, bah, quand tu arrives dans la chambre, c'est une chambre de mec de 16 ans, quoi. Donc t'as des posters de basketteurs, de... Pardon, j'interromps, mais du coup, tu m'as dit un petit garçon, mais ça correspond, c'est un mec de 16 ans qui est passé. Oui, c'est moi, quand lui, je dis petit garçon, je voyais un petit gosse de 8 ans. Hein, non, quand non, tu c'est 16 ans, il a 16 ans. Ouais, je sais que monsieur, vous êtes plus le plus jeune d'entre nous, mais petit garçon, c'est vraiment petit garçon. Alors, tu vois un ado. Un adolescent, ouais, voilà. Désolé. Et du coup, okay, je suis en train de me dire, merde, je les ai prévenus, en fait, c'est l'ami de. C'est un ado passé. D'accord, d'accord. En mode ado avec son sac, un peu comme ça, c'est genre. Ouais, big boy. On voit que monsieur, vous avez gagné. Ouais, big boy. Vous avez la bouteille. Non, c'est bien Chad qui arrive. D'accord. Voilà. et donc, du coup, quand tu rentres dans la chambre de Chad, tu vois donc c'est une chambre classique de l'ado de 16 piges, hein, avec des posters de ses stars, soit de rap, t'en as, tu vois aussi du basketteur américain, de super connu, alors je ne vais pas te citer les noms parce que j'en ai pas en tête, un LeBron James qui joue pas en Floride, et bon, c'est pas grave. Après, c'est un petit ordinateur classique, plein de CD. Oui. Non, en fait, je peux pas le savoir, donc rien, oublie. Ça aurait été ORP, en fait, du coup, d'accord. Ça n'a pas marché. Ok. Et bah, un peu fouillis dans sa chambre, hein, avec des fringues un peu partout. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Bonne question. Juste avant, vu que j'imagine que j'ai aussi reçu le message de. Oui. De Lynn. Kermit, voilà. Kermit, ouais. Moi, ça, c'est pour l'officiel, hein, vous connaissez quand même. Oui, oui, d'accord. Je vais juste. Je dis. Vu que je suis censé être tout seul. Je vais intercepter le petit garçon, donc ça aura plus de temps. J'en profite pour vous glisser. Si jamais il y a de l'informatique, des parents ou des enfants, vu qu'il y a un adolescent, je peux coder sur des petites clés USB un programme pour permettre de m'infiltrer sur le leur. Je peux en théorie faire ça, après il faudra voir si je ne me trompe pas dans un code. mais du coup, si jamais vous pensez que ça peut être intéressant de fouiller certains dossiers de certaines personnes, n'hésitez pas à aller chercher une petite clé dans le véhicule. Je code ça tout de suite et, au cas où. Et pourquoi c'est pas déjà fait? Mais parce que. Parce qu'il n'y a pas pensé. Voilà. Deux secondes, j'appelle ma secrétaire, j'ai pas compris. C'est pas possible de voir des choses pareilles. Ah, monsieur, là. Qui dit ça? De quoi? C'est qui a dit ça? C'est lui qui a dit ça. D'accord. Oui, oui. Le monsieur qui n'a pas une magnifique moustache. Voilà. Du coup, quand t'es dans la chambre, tu fais quoi? Dans cette chambre, j'essaie de. D'ouvrir des tiroirs et comme ça, où je pourrais trouver quelque chose. Sans trop fouiller trop profondément, parce que je sais qu'il risque d'arriver d'un moment à l'autre, mais. Bah, franchement, quand tu cherches dans sa chambre, tu vas trouver. Oui. Tu vas trouver des trucs que de dado, quoi. Honnêtement, il y a. Tu vas même trouver un cachet entre le lit et le enfin le matelas et le sommier, un petit bouquin. Oh, oh peu, non, attends, non, je suis pas d'accord, on est en 2019, c'est fini. Mais j'ai pas encore dit ce qu'il y avait dedans. Non mais il a un contrôle Bible. Tu as pas précisé la date. Il a pas précisé la date. Un petit bouquin où en fait il écrit en fait des scénars de jeux de rôle qu'il est en train d'inventer. Ça non plus, ça existe pas, monsieur. Il a un PC. Si, mais il a juste pour t'embêter. Réponds pas, t'inquiète. Il a un peu honte. Il a un peu honte de ça, donc il veut pas le mettre sur les nets de peur d'être trouvé, tu vois, parce qu'il pourrait y avoir des gens malveillants qui vident son ordinateur. Du coup, il préfère l'avoir en écrit, tu vois. Merde. Mais comment t'as su que je vais faire mes prochains scénarios pour passer pour un geek? Non, il peut pas, tu vois. Il peut pas. Tu vois, donc il préfère l'avoir sur papier, caché sous son matelas. voilà, ça c'est plus sûr, tu vois. Sinon, franchement, c'est le truc là, bateau. Mais bon, la majeure partie des choses que tu vas trouver chez un ado de 16 ans, ça va être sur son téléphone portable, dans son ordinateur. Parce que là, à part des fringues, un peu de matos de basket et tout ça, il n'y a rien, quoi. C'est clairement. Tout va se passer. Enfin, tu penses sur ces machines. Et oui, bien sûr, j'ai pas les clés USB magiques. Viens les chercher. Je vais faire l'aller-retour pendant que l'autre. Mais l'autre, il retient le gamin, c'est le moment. Entre-temps, il y a Denis qui est, lui, descendu. Il recroise la mère qui dit: bon, alors, vous vous en sortez bien, ça va? Oui. Ça sonne à la porte et tu vois la porte qui s'ouvre. Mais il a vraiment juste sonné pour histoire de dire qu'il a sonné. Il est rentré et tu vois un jeune garçon de 16 ans qui rentre un peu style pas rappeur américain, mais bon, tu vois un peu le sportif basketteur un peu de 16 piges, quoi, tu vois. Il est typique dans le truc. Il te voit, il te calcule à peine, tu vois. Il dit bonjour, mais vite fait. Il a autre chose à faire, tu vois. Bonjour, jeune homme. Excuse-moi Vous êtes qui? De déranger. Je me présente, agent Castro, pas la Sangria, Grillo Cuba. Je suis du FBI, j'enquête, vous savez, ce qui s'est passé récemment, les actes de vandalisme sur votre porte, tout ça. Est-ce que ça... Enfin, je peux te tutoyer, ça te dérange pas? Bah ouais, parce que je suis Oh non, mais... C'est pour les vieux, ça. Bah ouais, t'es presque un adulte. Ouais, 16 ans, ça, je suis... Quand même. Ouais. Et lui, c'est qui, là? Il voit... Tu vois... Tu te retournes et tu vois... Kenny qui est en train de descendre les escaliers. Ah, ça c'est mon collègue, c'est l'agent Camargue. Ouais, yo. Camargue. Je passe. c'est pas courant ça comme nom, Camargue. Bah, c'est français, tu sais, la Louisiane, tout ça. Bref. qu'est-ce que je vais dire? Oui, est-ce que ça... Je suis désolé de te prendre de ton temps, mais. J'aurais quelques questions à te poser, j'ai déjà demandé à ta sœur. Ouais, mais les flics, ils nous ont déjà posé plein de questions. Moi, de toute façon, c'est ce que je leur ai dit. C'est que pour moi, c'est des cons là, du lycée, ou pas, qu'ils doivent venir faire ça, là, leur connerie. À tous les coups, hein. Franchement, je suis sûr que c'est ça. Justement, peut-être que. Précise de qui il parle. Enfin, tu voudrais peut-être juste. Sans vouloir vous manquer de respect, madame, peut-être plus en parler dans un endroit plus personnel, je sais pas, on pourrait faire un tour dehors. Ça dérangerait pas. Je te jure, je te prendrai pas plus de 10 minutes de ton, hein. Je sais que t'as sans doute. Ouais, je vais aller faire 2-3 paniers, vas-y, tu vois, il lance son sac, il chope un ballon de basket qui est à côté, et puis il va vers le fond, il y a un panier qui est à côté du garage. Et, bon, bah, on va jouer ensemble. Tu joues au basket, toi? J'ai... Tu vas faire des shoots avec toi, et comme ça on en parlera un petit peu. Je suis fan des laqueurs. Des laqueurs. Ok. Allons-y. Tu vois qu'il prend son ballon et qu'il avance, il calcule même pas, tu vois, il va lui sort. Pendant ce temps-là, tu as Kenny qui sort de la maison et tu le vois arriver vers toi, Lynn. Ok, tu vois qu'il toque à la fenêtre. Toc toc. C'est le gamin qui toque à la fenêtre. Et Lynn te calcule même pas en fait. Tu tapes à la fenêtre, elle te calcule même pas. Donc tu es là. C'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Du coup, je l'ouvre. Et je lui tends cette magnifique clé USB sans disque. Ça, prends-le. Super, merci. Non, en vrai, du coup, il y en a combien? Parce que du coup, j'en ai codé 4 ou 5 au cas où. Il y a combien d'appareils, tu penses Mais en fait, en soi, quand j'en ai codé 4 ou 5, ça veut dire que tu fais une fois à code, après tu copies-colles. On n'est pas con. Oui, non, mais il n'y a pas de souci, franchement. Donc en fait, par le moment où je l'ai codé une fois. T'as 80, t'es peinard dans une bagnole. Tu vas faire ça. Et j'avais le temps. Ah oui, t'avais le temps. Mais du coup, il y a combien de trucs pour savoir combien de clés USB je t'envoie? Combien d'appareils tu penses intéressants à surveiller? Tous, donne-moi tout. Bon, bah, je lui donne les 5 que j'ai copié-collé. Ok. Allez, ouais. Prends-le. Non, mais je peux pas. Et une fois qu'il t'a donné le truc, tu vois Aline qui fait. Et non, du coup, Morgane. Et tu repars dans le sens. Morgane, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Puisque tu as l'air de... D'attendre. Avec moi. Oui, le jeune, il est du coup. Il retourne. Où il allait jouer au basket? Bah, il est parti jouer au basket avec Monsieur Castro. D'accord. Tu veux aller taper la balle avec eux? Eh, hey, ouais. Yo, bro! Allez, go! Attends, fais quelque chose! Bah, disons que. Non, mais... Toi, t'es où exactement? J'étais dans la camionnette aussi. J'imagine trop les deux agents du FBI qui sont en train de défoncer le gars. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que. Vous voyez en fait Kenny qui est en train de s'en aller, qui est en train de re-rentrer dans la maison, et quasiment une minute après, une voiture qui vient quasiment juste à côté de vous, et qui, au moment où elle passe, en fait, le portail s'ouvre à côté de vous, et la voiture rentre à l'intérieur. Super. Du portail, le portail se referme. Ok, bon bah j'appuie sur mon touche push to talk. Maintenant c'est le père, donc si vous avez aussi un truc à surveiller, c'est le père. Oh, c'est maintenant. Ok, je vais essayer de l'occuper, vas-y. T'as des clés. Occupez tout le monde. Ouais, écoute, on compte sur toi. Maintenant tu es le seul à l'intérieur à pouvoir faire les. Allez, maintenant parti, général de basket. Tu fais gaffe à la. Allez, avec toute la famille. Bon. Et là-haut, Non, mais je m'avance du père et j'essaie d'entamer la discussion. Histoire de le retenir. Ok, bon, du coup, tu vois le gars qui est en train de descendre de son véhicule. Et lui, il tourne la tête et il te voit arriver chez lui, tu vois. Tranquille, comme ça. Et vous êtes qui, monsieur? Nous sommes des agents du FBI, ne vous inquiétez pas. Des agents du FBI? Oui, on est collègues. Mais collègues de qui? Agents du FBI. Du FBI, c'est... Non mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une procédure de routine. On doit... Écoutez, procédure de routine. Justement, ça m'inquiète un peu, vous arrivez chez moi. Non mais c'est une vieille histoire, on peut pas trop... Ne vous inquiétez pas, vous êtes pas... Bonjour monsieur. On arrête mort. On joue au basket... vous inquiétez pas, hein, c'est pour ce qui s'est passé récemment avec votre... Oui, vous voyez, mon collègue est en train de jouer avec votre fils, c'est vraiment une routine basique. tu es le pire agent du monde, change de métier, s'il te plaît. Je suis marine secret de base. Tu commences à dire, Evelyne, t'es là? Oh, Evelyne. Et Evelyne arrive. Ah, salut Timothée. Ah oui, ce sont des agents du FBI. Ils viennent pour l'enquête. Tu sais ce que l'enquête avec les dégradations sur la porte et tout. Mais du FBI pour ça, pour une porte avec un graffiti dessus. Non mais c'est plus compliqué que ça. Nous vous permettons. Enfin. Je suis pas censé pouvoir vous en parler, mais moi on a en fait, il y a eu plusieurs symboles comme ça qui ont été inscrits un peu partout dans les états voisins. Donc on sait pas vraiment ce que c'est, on enquête un peu. Rien de bien inquiétant, ça se trouve c'est juste le nouveau symbole d'un crew de Tiger. Je n'en sais rien, vous savez comment ça marche, je connais pas trop. Mais bref, on est juste là pour un petit contrôle de routine, ne vous inquiétez pas. Écoutez, pour moi c'est rien du tout. Déplacer le FBI pour une vulgaire enquête d'une bande de gamins qui font le. Même la police, je suis sûr qu'ils s'en inquiètent plus. Bah, après, ça c'est ma femme, ça, elle s'inquiète de tout. Vous savez. Non, je lui ai dit que ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Bon, après, si ça peut faire plaisir à Evelyne, mais bon. Qu'est-ce que vous avez des questions? Parce que là, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Nous sommes désolés de vous déranger, hein, mais c'est la loi fédérale, hein, on peut pas vraiment. Oui, mais là, pour une porte, voilà, si vous voulez, il t'amène dans le garage, il dit voilà, on a mis la porte, il te montre la porte qui est encore là. Parfait. Mais c'était échangé, mais on sait pas trop ce qu'on va en faire. Hein. Bah, déjà, je pense qu'on. Juste, vous permettez, je dois parler à un collègue, deux secondes. Allô? Excuse, allô? Oui, oui. Lille? Karamit. Pourtant, j'ai choisi des trucs faciles, hein. est-ce que tu aurais de la pellicule? J'ai pas de papier toilette chez moi, désolé. C'est pas vraiment le but. Peux-tu répéter ta demande? De la pellicule. De la pellicule? Oui. Quoi? Genre la matière argentique sur laquelle on fait du cinéma? Non mais. T'as de quoi prendre. Est-ce que. Prendre en photo? Je sens l'avantage, je prends la porte en photo. Mais vous avez déjà une photo de la porte? Oui. Et oui, mais sinon j'ai pas particulièrement du équipe, nous avons tous des téléphones portables et. C'est les biscuits, je suis désolé, c'est les biscuits locales, vous savez, toujours Par contre, c'est une question intéressante, je regarde du coup si dans le matériel électronique qui a été disposé dans l'arrière du van. S'il y a un appareil photo, parce qu'après tout, si on peut prendre des photos, des preuves, etc. Oui, tu as. Bah, du coup, je regarde, je fais, bah écoute, si t'as besoin de qualité plus professionnelle, on va dire, si c'est pour certaines preuves, il y a ce qu'il faut dans le van. Ouais, mais après, bon, dans le dossier de la police, tu as des clichés. Comme ça. Mais bon. Mais bon, je sors pas, parce que quand tu viens d'utiliser mon nom officiel, enfin mon vrai nom, tu vois, genre. Bon, bah, je vais éviter qu'on connaisse aussi mon visage, donc pour l'instant, je vais rester dans le van. Bisous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de toucher un petit peu la porte pour voir s'il y a quelque chose ou quoi. Bah, après, ce que tu vois quand tu te rapproches de la porte, c'est qu'effectivement, comme. Ce qu'elle a été. C'est comme un truc qui a été griffé, tu vois, vraiment avec un appareil pointu. Pour tracer les symboles, le sang, enfin l'amalgame sanguinolent, tu vois, qui a bien séché et qui forme justement cette espèce de rond avec un autre rond à l'intérieur, enfin voilà. Mais tu vois pas plus, voilà, honnêtement. Si je peux prendre juste un petit peu de résidu. Ouais, si tu veux. Dans un petit mouchoir, voilà. Ouais, si tu veux. Tu fais. Voilà. Du coup, pendant ce temps-là, on a Monsieur Kenny qui est dans la chambre, qui a remonté dans la chambre. Donc, qu'est-ce que tu fais avec le matos? Je vais peut mettre la clé USB dans le PC pour qu'elle puisse faire ses machins d'informatique. Alors, Jadik, j'ai dû te le dire en donnant les clés, mais en gros, en fait, c'est des programmes qui s'auto-exécutent. Donc, en fait, tu mets la clé, t'attends une cinquaine de secondes le temps que le programme se lance, on refouille la pièce, etc. Et après, tu le retires et normalement, le programme, en fait, devrait être installé sur le PC et moi, je peux y accéder. Voilà. Très bien. Okay. Donc, ça marche comme ça dans la vraie vie. Voilà. Donc, bah, tu fais ça, tu mets le machin là-dedans. Et puis, t'as besoin de l'allumer, en fait Tu lui as dit qu'il fallait l'allumer. Surtout, moi, allume l'ordinateur, parce que pour qu'un programme s'exécute, il faut que ce soit alimenté. J'allume, bien entendu. Non, mais t'as raison, en même temps, il a 60 ans passé. C'est pas moi, Denis, hein. Donc, effectivement, tu allumes le PC, tu mets tout ce qu'il faut, machin. Ça se bidouille en 5 minutes, hop, c'est réglé. Ah oui, je vais essayer de faire ça sur tous les PC disponibles à la maison. Tu vois que c'est en bas. C'est pour la chambre des parents, c'est en bas. En sachant que Catherine, elle a pas grand chose. Elle a pas l'ordinateur. À 10 ans, c'est compliqué. Ouais, elle a pas l'ordinateur. Du coup, ouais, pour les parents, ce sera en bas, ce sera une autre histoire. Donc, une fois que t'as fini, qu'est-ce que tu fais? Tu rejoins tout le monde? Tu restes en haut? Tu te balades? Non, je vais descendre. Et okay. S'il n'y a pas la possibilité d'aller directement à la chambre des parents pour choper le PC, ben je vais aller rejoindre les autres. D'accord. Bah écoute, attends, on va voir. Tu vois que au moment où tu descends, il y a la mère en fait, et tu vois Evelyne qui se dirige vers l'extérieur parce que son mari l'a appelée. Tout le monde est extérieur alors. Oui. En fait, ça arrive au moment où le mari arrive. En fait, faut imaginer dans la timeline, tu vois. C'est le moment où le mari se pointe et qu'il appelle Evelyne pour savoir ce qui se passe. Et en fait, soit c'est le moment où tu descends et que tu vois Evelyne sortir à l'extérieur. Donc tu as le temps d'aller jusque dans la chambre. Okay. Il est temps d'envahir leur vie privée. Donc tu vois que la chambre, bah t'es passé déjà une première fois quand elle t'a montré, donc en soi tu connais déjà la pièce. Et donc tu vas directement au PC, j'imagine. Tu prends tout ça, y'a pas de soucis. Pendant ce temps-là, nous avons Denis qui essaye de marquer un panier, mais il y arrive vraiment pas parce qu'il est trop nul. Et du coup, qu'est-ce que tu veux demander à Chad? Bon alors, ça se passe bien en bahut. Ouais, bien, tranquille. Wesh, tranquille. Non, ça va, franchement. Ça se passe quoi, ça se passe. Bon, après, c'est le classique du bahut quoi. Comme vous dites. C'est. Mais. J'ai entendu parler de quelque chose. C'est sûrement des cons qui font ça. Ouais, parce qu'on en a des petits couillons qui des fois ils aiment bien faire des conneries. Mais ça c'est partout quoi. Après ils s'en prennent à nous. Pour moi c'est ce que j'imagine hein, parce que honnêtement. Bon après. Si, il y a peut-être une fois ou deux pendant la nuit où on entend un peu des bruits dans la maison, mais des bruits de maison, quoi. Écoute, franchement, je peux te dire que pour avoir déjà été sur des affaires similaires, le moindre détail est important. Est-ce que tu pourrais me décrire, quand c'est arrivé, ce genre de choses? C'est toujours la nuit, en journée on n'entend rien, mais quand ça arrive, c'est la nuit, ça fait des petits bruits, mais c'est des bruits comme... C'est comme si une maison qui craque quoi. Après pour moi c'est pas. Moi, j'imagine qu'il y a personne dans la maison. Comment ils rentreraient dans notre maison? Tout est fermé. D'accord, je vois. Et comment dire, tu... Qu'est-ce que tu... Il n'y a pas de... Excuse-moi, ça fait peut-être un peu ragard, hein, mais je, en tant qu'agent fédéral, je me dois t'en parler, mais tout ce qui est illicite, tout ça... que tu sais de quoi je parle, mais il n'y a pas trop ça là-bas, il n'y a pas trop ce genre de bail de ton bahut. Très bonne question. Il n'y aurait pas ce genre de choses qui pourraient... Enfin, bon, entre nous, dire. Non, franchement, honnêtement, je n'ai pas d'embrouille avec des gars en ce moment. Et je veux dire, tu n'as pas des espèces de... Je sais pas... De club émo gothique ou ce genre de choses. Oh non, moi je suis. Non, mais tu sais, hein, je sais pas moi, n'importe quoi. Ou tu parles, t'as pas entendu parler d'une fille ou d'un gars qui se vante, je sais pas moi, d'avoir écrasé un rat, une connerie du genre. Ah, moi je t'aime pas avec ces gens-là. Après. Non. Des gens qui se vantent, je sais pas. Bah, après, des nerds, tout ça, il y en a toujours, quoi. Les gars qui jouent un peu dans des jeux bizarres, là, avec des dés, des trucs comme ça. qui s'habillent avec des capuches et tout. Je suis un chevalier et tout. Mais à part ces gars-là, mais ils jouent, quoi. Bon, c'est pas trop mon style, tu vois, mais. Je vois. Je suis pas genre de truc, quoi. Moi, je suis un bonhomme. Tu cherches. Ils sont un peu spécial, quoi, mais ouais, c'est. Moi, je suis plus à la console, tu vois, les bons jeux, NBA 2K, comme ça, toi. Call of Duty, tu vois. FIFA. Tu veux pas one shot, bullet in, tu vois. Ouais. Tu veux qu'on fasse un petit Call of là, si tu veux, j'ai la console, on peut jouer. C'est, j'ai pas le droit pendant le service, hein. Mais ouais, mais attends, t'es un agent du FBI, tu dois savoir tirer, donc ces jeux-là, tu dois être bon, non? Moi, je fais des headshots, hein, souvent, j'adore les headshots, je suis vachement bon. Bon, tu sais, les jeux vidéo, où je suis vieux, je préfère jouer au basket avec toi, hein, mais... En tout cas, moi, j'aime bien, c'est la M16, elle est trop bien, avec le silencieux, tu joues trop, tu joues trop fort, quoi. Vous avez ça, des M16, tout ça, vous avez des armes comme ça, là? Ah bah tu sais, moi je suis juste un petit agent, je suis pas très... Vous commence à entendre la sonne, je m'approche de lui. Vous avez une arme, vous avez quoi comme arme, vous? Oh, un Glock. Un Glock? Ah, je peux le voir, je peux le voir. Bah par contre ça, je suis désolé, c'est formellement interdit. Vous êtes pas mal. Ah non, je suis désolé, hein, mais c'est, tu sais, ça, je peux me faire virer, t'en sors de tes mains. Ouais, rigole pas, là. Moi aussi, j'aimerais bien faire. Non, mais après, voilà. Bon, je comprends. Mais... Et du coup, pour revenir. Excuse-moi. Mais... Non, mais après, franchement, pour. Ouais. Il y a quoi? Il y a deux fois où j'ai entendu des trucs, mais. Voilà, c'est genre une fois, j'étais tout seul à la maison et j'ai entendu du bruit, mais j'ai rien vu. C'était la nuit. Hein? T'étais où? T'étais dans ta chambre? J'étais dans ma chambre, ouais. J'ai entendu du bruit, mais j'ai rien vu. Donc après, j'ai pris ça pour. Peut-être que j'avais pas vu. Enfin, j'avais pas. Je rêvais ou je sais pas. Et il y a une autre fois, il me semble que j'ai entendu une fois ma soeur parler. Pas ma soeur parler, ma soeur se déplacer dans sa chambre. Mais comme si elle était pas toute seule, quoi. Mais d'accord. C'était bizarre parce qu'elle était toute seule, en fait. Mais c'est tout. Mais que dalle, quoi. Ça se trouve, elle a déplacé un truc ou quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Elle est quand même assez petite, parce que... Ouais, je sais pas. C'est, enfin, en tout cas, voilà. C'est toujours la nuit que ça arrive, ce truc. La journée. La nuit? Ouais. Oh, en tout cas, ouais. Ouais, de toute façon, je vais. Est-ce que voilà, vous avez eu des soucis? Je joue au basket et tu vois qu'il se barre. Juste, attends, du coup, t'as. Comment il s'appelle? C'est très cher. Morgane qui vient de lui poser une question. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez eu des soucis? Je peux voir votre flingue, moi? Non, c'est confidentiel. Est-ce que vous avez eu des soucis au niveau de l'électroménager? Enfin, ne serait-ce que des appareils qui bug alors que ça ne devrait pas. Non. Des trucs du genre. Non. Même des fois, le téléphone qui grésille. Non.